La vieille dame en bleu qui va sa valse lente en satin nébuleux et en dentelle ardente promène à ses dépens dans un bruit de ferraille milliards de chenapans issus de ses entrailles de petits alchimistes qui changent l'or en plomb pour faire leur tour de piste sous le feu des canons. Ah que la terre est belle, tournoyant dans l'azur, quand suint au soleil ces millions de blessures. La vieille dame en bleu qui va sa valse lente traîne à la queue leu-leu sa marmaille accablante, ses génies dérisoires qui retroussent ses jupes en refusant de voir ce qui la préoccupe lorsque certains se vautrent en son sein nourricier, n'offrant à tous les autres que ses flancs décharnés. Ah que la terre est belle, tournoyant dans l'azur, quand suint au soleil ses millions de blessures. La vieille dame en bleu qui va sa valse lente, le poumon souffreteux, la fièvre menaçante, voit partir en fumée ses charmes, ses richesses, quand ses enfants gâtés la jettent au tiroir-caisse qu'inventeur magnifié du printemps nucléaire, ses apprentis sorciers se préparent à l'hiver. Ah que la terre est belle, tournoyant dans l'azur, quand suint au soleil ses millions de blessures. La vieille dame en bleu poursuit sa valse lente au bras d'un demi-dieu à l'aura vacillante, avec l'espoir secret de voir devenir grand ce rejeton distrait aux actes inconséquents, sachant que